que dans une heure, un extraterrestre va m'apporter un bonbon ou un soda. Dans cette vaste grange, j'espère qu'une jolie fille va sortir pour me distraire en s'arrachant les yeux. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette grange? De mort.